les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est au tournant des années 70-80 que Nina Hagen a fait irruption sur la scène internationale et l'apparition de la créature passée par le punk londonien ne passa pas inaperçue. Mais on aurait tort de réduire cette artiste venue alors de RDA à ses tenues extravagantes, ses coiffures improbables, son maquillage au-delà de l'outrance et ses propos parfois étranges. Rock, reggae, metal, disco, techno, lyrique, cabaret, qu'elle chante Brecht ou My Way, de sa voix puissante et rauque, poussée des graves aux aigus, de toute sa théâtrale et iconoclaste fantaisie, elle a su alterner et explorer au fil des années tous les genres avec bonheur. Née à Berlin-Est, passée à l'Ouest en 1976, quand son beau-père, le poète-chanteur Wolf Biermann, et sa mère, Eva Maria Hagen, furent poussés vers la sortie par Erich Honecker, fille d'un internationaliste résistant aux nazis, petite fille d'un grand-père juif assassiné dans les camps, on peut dire que Nina Hagen a été, à sa manière, depuis les années 80, une voix dissidente des deux versants de l'Allemagne d'après-guerre et du monde tel qu'il est convenu et convenable qu'il aille. En 1985, Daniel Coe consacrait un atelier de création radiophonique à la tonitruante Nina Hagen, dans lequel, outre elle-même, on pouvait entendre Eva Maria Hagen et Wolf Biermann. Une émission diffusée la première fois, le 7 juillet 1985. ACR, Atelier de création radiophonique. Nina Aha Hagen Radio, par Daniel Coe. Avec Moi, Nina Hagen, Eva Maria Hagen, Wolf Biermann et Laurence Harpeau, Madame Ming. Laurence Harpeau est folle comme moi, Nina Hagen. Édouard Aléa, Ben Vistros et professeur docteur Nina Aha Hagen, professeur docteur Flip Flip, Jean-Pierre Hammer. Voix, Anne-Cécile Hérault, Sandrine Bonnel, Priska Geisler. Musique, Wolf Biermann, chanson. Par Wolf Biermann et Eva Maria Hagen. Nina Hagen, Du hast den Farbfilm vergessen, Berlin-Est, 1974. Bande sonore du film Cha-Cha, Amsterdam, 1979. Concert au Casino de Paris, 1983. Album Nina Hagen Band, Unbehagen, Nansex Monk Rock, Angstlos, Ecstasy. Groupe de réalisation, Marie-Ange Garandeau, Monique Burguière, Bernard Lagnel, Jean-Michel Godin. Nina Haha Hagen Radio. Comme homme, par moi, Hagel. I'm driving. Je suis une station de radio mobile. Je suis partout chez moi. J'aime les pierres, l'air et les arbres. Unbeschreiblich, wie ich mich fühle. Es macht nichts, ob Amsterdam, Berlin, es ist alles meins. Ich bin überall. Je suis partout. Ich bin überall Teil. Une partie de la partie des parties. Paris, Berlin, es ist dasselbe. Meine Liebe. Genauso groß für Berlin, mon amour est aussi Paris, grand pour Berlin Moscow, que pour Paris, pour Moscou, Leningrad, Stalingrad, und, für alle Städte, pour toutes les villes de ce monde, alle Steine dieser tous les chiens, alle Männer, tous les hommes, les femmes, les bébés, alle Sänger, alle Gruppen, tous les chanteurs alle, et tous les groupes. Alle, alle, alle. Everybody. Just gonna free everybody. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, love und life und drive und Frieden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, love und life und drive in heaven. À mon avis, c'est une. She comes from another galaxy, you know. Madame Ming. On n'est pas sur la même planète, définitivement. Un drôle de personnage, quand même. Que viva Nina, la prima donna. Complètement mégalomane. Dans son dernier album, Nina Hagen Ecstasy, c'est moi, moi, moi. Et moi encore, et moi toujours, et encore moi. Et moi, je vous aime, et moi, je vous. Tout ce que vous voulez, mais c'est moi. I live on 1985 Un jour, j'aurai mon propre satellite et ma chaîne de télévision. La chaîne de télévision du show intergalactique. Ce sera une chaîne privée que l'on rendra universelle et j'espère que les puissances célestes y prendront part. Vous aurez des professeurs qui vous enseigneront le yoga. On aura les meilleurs spectacles et les meilleurs vidéoclips. The best movies and, et nous projetterons les meilleurs films. It's gonna be all over the world. Like for example, in America, there are religion shows from Christians, and Par exemple, they are aux États-Unis, il y a des shows religieux que l'on voit partout, 24 heures sur 24. They have their own viewers, their own fans, and many people are watching them. Ils ont des téléspectateurs fidèles et d'autres les regardent de temps en temps. I think I want to do the same thing. That's why they are doing it. Moi, je ferai pareil. Eux font ça car ils ont reçu un message de Dieu et ils veulent parler de Dieu. Mais ça ne passe pas bien car leurs manières sont démodées. Nous, ça sera la manière moderne. Nous ferons participer tous les êtres hautement spirituels qui croiseront notre chemin. I'm just a slave of God. Je ne suis qu'une esclave de Dieu. C'est vraiment Dieu qui fait mon travail. C'est Dieu qui agit pour moi, à travers moi. C'est moi et Dieu, on travaille ensemble. Quand je commence à travailler la musique, je ne pense plus. Je suis un poste récepteur. Je peux fonctionner comme une station de radio. This is again Radio Yerevan with our news. Oh, I'm sorry. Turn on the machine. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen. J'ai attendu finalement pas si longtemps que ça, je veux dire au bout d'une demi-heure, j'ai une espèce de créature tout à fait incroyable qui n'était pas du tout dans la, tu vois, la stature des gens qui allaient à l'Intercontinental. C'était tous une espèce de surenchère de djellaba, de bijoux merveilleux, et une espèce de chose qui est arrivée avec un collant jaune et noir, une perruque insensée, les yeux ultra faits, outrageusement faits même. Et qui regardait les gens qui les vampaient au fur et à mesure. Alors les serviettes tombaient, les coupes, les cuillères se cassaient la figure, le sucre débordait de partout. C'était Nina Hagen. Et alors quand on regarde Nina d'une manière assez directe, elle vous lance une belle œillade assassine et elle fait un jeu de langue assez pervers. Elle fait hello. C'est assez marrant. Bon, il y a un des endroits à Paris qu'elle préfère plus particulièrement, ce sont les Halles. Ben, ça, c'est tout à fait dans la lignée de sa conduite personnelle. C'est une demoiselle gadget. Elle aime tout ce qui brille, tout ce qui coûte pas cher. Et les Halles, je crois que c'est l'endroit rêvé pour elle, où il y a toujours des petits trucs à fouiller. Bien, on va dans un magasin, dans une friperie, et elle voit une culotte qui n'est pas vraiment une culotte, c'était un string qui était rose fluo. Évidemment, elle dit I want that. How does it cost? Tu vois, avec son accent, elle parle anglais comme une allemande, quoi. Ich will, I want to buy something. Toujours, enfin bref, un peu curieux. Et puis on achète donc le string, elle le met tout de suite. C'était donc dans la rue Saint-Denis. Il y avait encore des putes à l'époque, il y en avait même pas mal. Puis en plein milieu de la rue, elle se retourne vers moi, elle avait déjà une jupe ras du bonbon, elle la soulève complètement, elle me dit « Alors Laurence, comment tu trouves ça me va bien ?» Alors moi j'étais derrière en train de rabaisser la jupe en disant « Bon écoute, c'est vraiment pas le moment, ni le lieu ici, ça fait un peu mauvais goût, tu vois. » Mais c'est un peu ce genre de personne. Tu vas manger avec elle, je veux dire, dès qu'elle a un peu de travers, entre guillemets, alors là ça devient le cirque le plus phénoménal qui puisse exister. On commande du poisson, parce qu'elle est végétarienne, enfin, elle bouffe du poisson quand même de temps en temps. Et elle a une espèce d'arête microscopique, elle a dû vaguement se coincer dans la dent. Alors là, il a fallu appeler le docteur ou n'importe quoi. Elle commence à hurler. Vous vous rendez pas compte, ma voix, si l'arête va dans ma gorge, mon Dieu, mais c'est l'horreur, etc., etc. Ça, c'est vraiment du pur Nina Hagen. Hermann spritzt Mixturen, sich nun kommt jeder Hirni auf Touren. Er fühlt sich frei und erleuchtet, denn er zahlt sich seine Zunge mit Schwert und feuchtet. Das wahre Leben, wo die Geister spielen, hat Wärme an seinen Sinn. Was kommt denn wie nicht hin? Abgehoben, abgefahren. Hermann, wo bist du? Abgetreten. Hermann, wo bist du? Hermann, ist hier. Mit negativen Vibrationen konnte sich Hermann mit dir verschonen. Das wahre Leben kann ich einfach so erleben. Er braucht die Spritze und die Pillen, um sich überhaupt noch mit zu füllen. Die Wand kippt um. Ja Gott, und die Decke kommt runter. Und der Teppich wird immer tiefer. Und immer tiefer in die Worten in Happy Takeless. Mama! Papa! Opelmarken! Polizei! Abgehoben, abgefahren. Hermann, wo bist du? Ey, weggetreten, abgetreten. Hermann, wo bist du? Hermann ist hoch! Le chanteur Wolf Biermann, beau-père de Nina, et Eva Maria Hagen, la mère de Nina. Ich hatte nie den Eindruck, auch als Nina ein Kind war, je n'ai jamais eu l'impression, même lorsque Nina était une enfant, sie unser Produkt war. Qu'elle était notre produit. Sie war beeinflusst, natürlich, elle était évidemment influencée, wie jeder Mensch von der Luft, die er nun zufällig mal atmet. Comme chaque être humain est influencé par l'air qu'il respire par hasard. Aber sie war immer ein eigener Mensch. Mais elle a toujours été quelqu'un d'autonome. Auch als Kind. Même lorsqu'elle était enfant. Ich konnte sie oft nicht ertragen. Souvent, je ne pouvais pas la supporter. Weil durch ihre Verrücktheit hat sie mich daran gehindert, meine eigene Verrücktheit zu machen. Parce que sa folie m'a empêché de faire mes propres folies moi-même. Man muss immer so vernünftig werden. Ne? Et en face d'une telle folie, il faut devenir raisonnable. Und das beschädigt einen auf die Dauer. Ne? Évidemment, à la longue, ça vous abîme d'être raisonnable. Und ich bin froh, wenn sie weit weg ist. Je suis très content lorsqu'elle est loin de moi. Und freue mich aus der Ferne an ihr. Tu exagères, dit Eva. Lorsque de loin, je peux l'observer. Wieso, ist die Wahrheit. Mais c'est la vérité, dit Wolf. Ist nicht traurig, ist ja Wahrheit, wie es in dem Lied heißt. Ce n'est pas triste, car c'est la vérité, comme il est dit dans la chanson que j'ai écrite pour Eva Maria. Doch. Weil sie eben mein eigener Mensch ist und weil sie eine ganz eigene Richtung macht. Stell dir mal vor, wie langweilig das wäre, wenn die jetzt solche Lieder singen würde wie Eva oder wie ich, ne? Évidemment, c'est parce qu'elle est un être authentique. Vous vous rendez compte comme ça serait triste et banal et fade si elle chantait les mêmes chansons que Eva ou moi. Ouais, c'est doch gut. C'est bon comme ça. Ach, verzagt nicht, Freunde, hattet ihr wahrlich geglaubt? Jahrtausende langer Kämpfe Macht löse lieblich sich in diesen Tagen. Jammert doch der Tränen wegen länger nicht, ihr Lieben, sind sie der Regen doch auch für die zartesten Blumen. Müsste der Strauch nicht des Glücks verdorren, ja verdorren, ohne des Leidens Wolkenbrüche. Ja, wir haben auch alle sehr von Wolf gelernt und wir haben toutes les deux appris beaucoup de Wolf. Nina war auch von klein auf mit in den Theatern, wo Opern gespielt wurden und sie hat das immer schon aufgenommen und persifliert. Et Nina a assisté à beaucoup de récitals, à beaucoup de pièces de théâtre et d'opéra et elle a évidemment été très influencée par tout ça. Ja, also Ausbildung so Gesangsausbildung hatte ich nicht. Je n'ai pas eu de formation de chanteuse. Von Stimmbildung her, vom Schauspiel. Mais cela vient de ma formation de comédienne. Und Nina war allerdings auf einer so einer Gesangsschule, aber auch nicht richtig. Ne? Nina a eu quelques cours. Sie musste diese Schule absolvieren, damit sie so einen Schein kriegte, dass sie auftreten darf. Ah oui, Wolf indique que Nina a dû suivre ses cours pour obtenir un diplôme afin de pouvoir se produire en public. Sie hat überhaupt nicht gelernt. Mais elle n'a rien appris là. Dummes Zeug. C'était que des bêtises dans cette école. Die wusste alles schon. Sie wusste das schon selber alles, nicht wahr? Elle savait tout déjà sur le plan technique, dit Eva. Elle a quand même appris. Sie hat von klein auf erstklassige Leute gehört. Toute petite, elle a entendu des gens de première classe. Wen hat sie gehört zum Beispiel? Sie hat zum Beispiel alle Lieder von Brecht gehört. Elle a entendu par exemple toutes les chansons de Brecht. Von den besten Interpreten, die es gibt. Par les meilleurs interprètes qui existaient alors. Wir haben zusammen diese Lieder auch gesungen. Et ensemble nous avons chanté ces chansons. Sie hat ja, immer die, zu Wolfs Lieder gehört, ganz viel. Er entendu toutes les chansons de Wolf. Na, meine Lieder, denen konnte sie sowieso nicht entkommen. Denn elle ne pouvait pas y échapper n'importe comment. À partir de quel âge j'avais quand elle a entendu ça? Wie alt war sie, als sie angefangen hat, deine Lieder zu hören? Elle avait 8 ans lorsqu'elle a commencé à entendre les Und sie war furchtbar gegen mich. Ne? Elle était absolument hostile à ce que je faisais. Ich sagte, als ich das erste Mal, als Eva mich, als wir zusammen waren. Ne? Lorsque nous étions ensemble avec Eva, gab es eine denkwürdige Situation. Il y a une situation absolument mémorable. Wo ich irgendetwas. Böses gegen Ulbricht sagte. Vous avez dit quelque chose de d'hostile à Ulbricht. Ich sagte, er ist ein Lügner. J'ai déclaré que Ulbricht était un menteur. Nina était une jeune pionnière. Elle appartenait donc à l'organisation de la jeunesse est-allemande. Große Tränen ausbrüche. Elle s'est mise à pleurer. Nein, sie hat den Ulbricht verteidigt. Elle a défendu Ulbricht. Comme il le fallait avec son fichu bleu qui faisait partie de l'uniforme des pionnières de la jeunesse. Ich wusste ja auch nichts über Stalin und die Zeit und das habe ich auch alles durch Wolf erfahren. De mon côté, j'ignorais aussi toutes les choses concernant Staline et c'est Wolf qui m'a tout révélé. Eva Maria Hagen, Soldat, Soldat, Parole et Musique de Wolf Biermann. Soldat, Soldat in grauer Norm, Soldat, Soldat in Uniform, Soldat, Soldat, ihr seid zu viel, Soldat, Soldat, das ist kein Spiel, Soldat, Soldat, ich finde nicht, Soldat, Soldat, dein Angesicht, Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als Leich. Soldat, Soldat, wo geht das hin? Soldat, Soldat, wo ist der Sinn? Soldat, Soldat, im nächsten Krieg. Soldat, Soldat, gibt es keinen Sieg? Soldat, Soldat, die Welt ist jung. Soldat, Soldat, so jung wie du. Die Welt hat einen tiefen Sprung. Soldat, am Rand stehst du. Soldat, Soldat, das ist kein Spiel. Soldat, Soldat, ich finde nicht. Soldat, Soldat, dein Angesicht. Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als Leich. Das war die schönste Art von Dummheit, die sie begehen konnte. C'était la plus grande bêtise qu'elle pouvait commettre. Weil sie genau in dem Moment auf mich hereinfiel. Parce qu'elle est tombée sur moi juste au moment. Als die Partei mich fallen ließ. Où le parti m'a laissé tomber. in klarer deutscher demokratischer Prosa gesprochen. Et dit d'une façon républicaine et démocratique en allemand. Ich wurde verboten. J'ai été interdit. Sie war eine berühmte Filmschauspielerin. Elle était une star de cinéma, célèbre. Die Bonzen waren alle geil auf sie. Et tous les bons de tous les dirigeants avaient envie d'elle. Und genau in diesem falschen Moment legt sie sich mit dem Staatsfeind Biermann ins Bett. Ne? Et c'est juste à ce moment-là qu'elle se met au lit avec l'ennemi public numéro un. Die sagten, ach, guck mal, der kleine freche Biermann. Ils regardaient ce petit insolent de Biermann. Der Gavroche. Ce hein? Gavroche, oui. Der liegt jetzt mit der Eva Maria Hagen. Et voilà, qui est maintenant avec Eva Maria. Und dadurch kriegte das eine politische Dimension. Et tout ça a pris ainsi une dimension politique. Und wurde, wie Brecht es in seinem Jargon ausdrücken würde. Et comme Brecht le dit dans sa propre langue. Productif. Ce fait est devenu un fait productif. Politisch produktiv. Politiquement productif. Und künstlerisch auch, denn wir haben seit dieser Zeit viel zusammen gemacht. Et c'est devenu également un fait productif au plan esthétique, au plan artistique, car depuis ce temps, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Ja, für mich war es, es war entsetzlich. Oui, il faut dire que Eva Maria a été déçue de sa nationalité allemande pour avoir protesté contre l'expulsion de Wolf, ainsi que beaucoup d'écrivains, de chanteurs, d'artistes, etc. Et elle dit que son expulsion de RDA était quelque chose d'atroce pour elle. Ich fühlte mich anfangs ganz und gar entwurzelt und wusste nicht mehr, wer ich bin. Je me suis sentie complètement déracinée et j'y ai pratiquement perdu au début mon identité. Le pays est calme. La guerre goûte sa paix. Calme. Les pays calmes. Encore. Le pays est calme. Les maisons comme des tombeaux. Calme. Les pays calmes. Encore. Le pays est calme. Les hommes toujours comme des morts. Calme. Les pays est calme. Encore. Ein kleiner Regen hat mich gewaschen. Am Himmel ziehen leere Brauseflaschen. Fabrikschlote wuchern drüben am Hang. Rauchnasen laufen den Windweg lang. Na, na, na, na, na. Blau. Das da sind Halden, das große Grau. Rot blühen paar Fahnen da auf dem Bau. Das Land ist still. Der Krieg genießt seinen Frieden. Still, still. Das Land ist still. Noch. Und Nina war ja auch schon da. Nina kam als Erste, nicht wahr? Et Nina était là, elle est arrivée la première. Und zwar sehr fröhlich. Et très joyeusement. In dem Alter kann man das viel besser verkraften. À cet âge, on supporte ça plus facilement, dit Eva Maria. Elle avait quel âge? Wie alt war die Nina? Nina war knapp über 20. Elle avait un peu plus de 20 ans. Ja. Und ich doppelt so alt. Nina war. Immer wieder doppelt. Nina hat einen sehr komischen Brief an Honecker damals geschrieben. Et Nina Hagen a envoyé une lettre assez comique à Honecker, le dirigeant de RDA. Die ganze Welt war voll mit dieser Affäre, mit meiner Ausbürgerung und es gab große politische Manifestationen in der DDR und Unterschriftensammlungen und Proteste. Le monde entier était rempli de cette affaire et en RDA il y avait des campagnes de signatures, des protestations, etc. Und ich wollte ja wieder zurück in die DDR. Et moi j'avais absolument le désir de retourner en RDA dans mon pays. Nicht weil ich so begierig nach dem Maulkorb war dort. Non pas parce que j'avais le désir de retrouver ma muselière. sondern weil ich gerne dort leben wollte, wo ich hingehöre und wo ich mich gut auskenne und wo ich auch was bewirken kann. Mais simplement parce que je voulais rentrer à un endroit où j'étais chez moi et où un endroit où en quelque sorte je peux faire quelque chose, je peux réaliser quelque chose. Also wir kämpften damals darum, dass ich wieder zurück darf. Et nous avons tous lutté pour que je puisse retourner en RDA. Es war eine große Unterschriftensammlung und Nina und ich gingen auch zu populären Leuten, damit sie auch das unterschreiben, dass wieder zurückkommt. Oui, il y avait une collecte de signatures très très grande et Nina et moi-même nous avons rendu visite aux gens les plus connus pour qu'ils signent eux aussi. Ein Staat das Recht hat, andersdenkende Menschen einfach aus seiner Staatsbürgerschaft rauszuschmeißen. Et la question était, est-ce qu'un État a le droit d'expulser, de priver des citoyens qui n'ont pas la même opinion de leur propre citoyenneté? Dann hing ich im D-Zug im Fenster und der Fahrtwind presste mir Wind in Mund. Die Augen gesteinigt vom Kohlestaub, Ohren von kreischenden Rädern traum, hörte ich schwingen im Schienenschlag. Lieder vom Frühling im roten Prag und die Gitarre im Kasten lag. Das Land ist still. Die Menschen noch immer wie tot. Still, still. Das Land ist. Noch. Eva-Maria Hagen et Wolf Biermann, noch. Parole et musique de Wolf Biermann. Noch. Aber Nina, die fröhliche, verrückte, mais la joyeuse et folle Nina, de son côté, liebenswürdige, kindliche, weise, elle qui est sage et puérile à la fois, die schrieb also an den Honecker in einen sehr kindlichen Brief. Elle a écrit une lettre tout à fait enfantine à Honecker. Lieber Herr Honecker. Cher Monsieur Honecker. Ich möchte auch gerne dort sein, wo Wolf jetzt ist. Je voudrais bien être là où Wolf se trouve. Ich habe ihn doch so lieb. Je l'aime beaucoup. Sie sollen nicht missverstehen, wir waren kein Liebespaar. Vous ne devez pas vous prendre sur le sens de cette parole, nous n'étions pas un couple amoureux. Wenn überhaupt, war ich so etwas wie ihr Vater, nicht wahr? C'était plutôt quelque chose comme son père pour elle. Ich habe den doch so lieb und ich will nicht in einem Land sein, wo Wolf nicht leben darf. Je l'aime beaucoup et je ne veux pas vivre dans un pays où Wolf n'a pas le droit de vivre. Und da der Fall natürlich politisch allergrößte Gefährlichkeit für die Herrschenden hatte. Et comme ce cas avait quelque chose d'extrêmement dangereux pour les dirigeants, wollten sie alles loswerden, was überhaupt nach Biermann stank. Ils ont eu envie de se débarrasser de tout ce qui pouvait puer le Biermann. Und in der ersten Rage haben sie sofort ihr die Erlaubnis gegeben. Et weg, nur raus, raus, weg. Dans le premier accès de rage, ils lui ont immédiatement accordé le droit de s'en aller. Il fallait qu'elle fiche le camp immédiatement. Was im Grunde von ihnen aus gesehen unklug war. Ce qui évidemment était tout à fait idiot de leur propre point de vue. Denn Nina war für sie ein großes Pfund. Car, in Nina, der Werbung um die Herzen der Jugend. Car Nina était pour eux un très grand atout, en particulier pour séduire la jeunesse. Berlin Est, 1974. Nina chante « Du hast den Farbfilm vergessen ». Une grande déception, pas de photo à la plage, son petit ami a oublié la pellicule couleur. Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Mischa, mein Mischa, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Les affinités musicales de Nina. Avec qui? Mit Eva Maria. Mit Eva Maria, ja. Ja. Und mit allen anderen, die dazugehören. Jimi Hendrix, Wolf Biermann, Janis Joplin, Tina Turner, Otis Redding, Aretha Franklin. And Edith Piaf and Enrico Caruso. Juliette Gréco, Hildegard Knief, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot. And so on. Sarah Lander also. Und Sarah Leander, Marika Röck. Und Marlene Dietrich. Lotte Lenia, Gisela May. Und Vivienne von CBS. Vivre, c'est apprendre. Oui, j'apprends chaque jour à dire l'essentiel et à fabriquer de l'art. Leben ist lernen. Ja, ich lerne jeden Tag das Wesentliche zu sagen und Kunst zu machen. Einflüsse und Ausflüsse. J'ai pensé, c'est les grands changements de timbre, très aigu, très grave, ça je crois que c'est la seule diese, à faire. Ungeheure Möglichkeit, so Register zu wechseln, hast du das von selbst oder ist das so eine Erfindung, wie ist das? Ich würde sagen, das ist ganz naturell. Mm-hmm. Ja, ganz naturell, würde ich sagen. Ja. Das Verhältnis zwischen dem Text und der Musik, hat das für dich so eine große Wichtigkeit? Dans le rapport Text-Musik, quelle est l'importance des paroles? Ja, die Worte und ihre Bedeutung. Mama, Papa, Polizei, der Wahnsinn, die Hölle, Der Himmel, die Freiheit und Gott und der Teufel und Jesus Christus und Amen und UFO Spacecraft und Tante Trutchen und Albert Einstein, sah Ali an und Frédéric Chopin. Les paroles, leur sens. Maman, papa, police, la folie, l'enfer, le ciel, la liberté, Dieu, le diable, Jésus-Christ, Amen, les ovnis, Tante Trutchen, Albert Einstein, Sarah Leander et Frédéric Chopin. Außerdem gibt es viele Menschen, die uns, die bekannt sind als Propheten oder als Medien, die uns heute warnen und il y a des gens connus comme prophètes ou médiums qui nous mettent en garde aus von anderen Planeten oder von Geistern Gottes qui reçoivent des informations d'êtres existants sur d'autres planètes des esprits de Dieu automatisches Schreiben oder durch et qui, par l'écriture ou la parole automatique, deviennent clairvoyants. Sentience, or clairvoyance, or clair this and this and that. Die machen uns darauf aufmerksam, dass wir als Menschen. Et ils attirent notre attention sur le fait qu'en tant qu'hommes, nous avons des amis partout. Die mit UFOs uns hier besuchen kommen können. Qu'il y a des êtres avec des ovnis qui peuvent venir nous rendre visite ici. Des anges de Dieu qui peuvent venir nous voir dans nos rêves ou dans notre vie quotidienne die uns Inspiration geben können und Ideen und Eingebungen und Erfindungen et nous donner des inspirations des idées nous faire faire des découvertes die christliche Kirche daraus ein großes Ding gemacht dass cela a toujours été comme ça mais l'église chrétienne en a fait toute une histoire ein paar Leute so au Moyen-Âge, il y avait des gens qui avaient des dons de médium. Ils ont été traités de sorciers et brûlés. Jemand gesagt hat, ein heiliger Geist kommt zu mir. Prenons l'exemple de quelqu'un au Moyen-Âge qui dit, un esprit saint me dit ça et ça et je dois le dire parce qu'il dit la vérité. Eh bien, l'Église a fait exactement ce que fait aujourd'hui la République démocratique allemande quand quelqu'un émet une critique. Also ist es heute wieder an der Zeit und nicht nur heute, sondern überhaupt an der Zeit, dass Christentum und den Meister Jesus Christus und die anderen Meister Buddha und Rama Krishna. Les temps sont aujourd'hui revenus où on cache aux gens que des maîtres comme Jésus-Christ, Bouddha ou Krishna nous ont révélé la vérité. Et il y a partout des maîtres et ces êtres de Dieu existent. Et on nous cache que nous devons à nouveau nous tourner vers Dieu et que ce serait notre bonheur à tous si nous pouvions explorer la vérité avec les esprits de Dieu et l'accomplir sur cette planète. Once upon a time, when Jesus was walking down his way on earth, he met this man who was possessed by a demon. And Jesus asked the man, why do you speak so funny? And why do you behave like that? And the man said, well, Jesus, because I'm possessed by a demon. God, Jesus said. And the demon went out into the pig, and the pig was running away, screaming. And the man was free. Do you see? If you only could believe, Jesus said, everything is possible for those who believe. The real question is our neighbor. His face is gray, his brown of paper, but like balloons of blue or red, bright and he was float away. Je suis déjà morte lorsque j'avais 17 ans. J'étais très malade. Mais je croyais déjà avant en Dieu. J'ai naturellement été élevée à l'école par tous mes professeurs communistes, hommes et femmes, et personne ne croyait en Dieu. Les enfants non plus. On nous disait qu'il n'y a pas de Dieu, que nous devons prendre nous-mêmes notre vie en main, qu'il n'y a ni Dieu ni ange, que tout ça c'est des conneries. Mais un jour, il s'est passé des choses dans ma vie et j'ai su que je ne voulais pas croire ces gens. Je me suis dit, ces gens-là ne sont pas particulièrement intelligents, ils commettent des erreurs, ils sont si ignobles, bornés, cons et dogmatiques. Il doit y avoir un Dieu et je le cherche maintenant. Und ich habe diesen Menschen nicht geglaubt. Et je n'ai pas cru ces gens. Es gibt keinen Gott, ja, in meiner Schule und so. Et j'ai prié Dieu. Jedenfalls habe ich dann also zu Gott gebetet und das Kreuz von Jesus Christus. Et regardé la croix de Jésus et j'ai lu dans la Bible. Gelesen. Ich habe also Sachen gefunden, auch in meinem eigenen Leben. Et j'ai découvert des choses. Da hat es nämlich gefunkt und ich habe festgestellt, dass ich eine Radiostation bin. J'ai constaté que je suis une station de radio. Et pas seulement un être de chair et de sang, mais un appareil radiophonique de haut fonctionnement, chargé de tensions, et que je pouvais recevoir des informations et également en donner. Et ce que je reçois aujourd'hui est fantastique. Et je reçois bien mieux depuis que je ne mange plus de viande et que je ne prends plus de drogue dure. Et cela fait de moi quelqu'un de très heureux. Pas d'alcool pour moi, merci. Sauf de temps en temps, du vin rouge à table ou un peu de champagne. Mais je ne bois pas comme ça par plaisir. Je bois parfois quand je mange parce que je veux être un guérisseur comme Jésus. Un heiler. Je veux un. Wie Jesus. Ja, und dafür habe ich muss ich aufhören mit Fleisch essen. Et c'est pour cela que je ne dois plus manger de viande ni boire d'alcool et fumer peu de marijuana. Also ich muss meine Energien frei halten, um ein Medium zu sein für die heilenden. Je dois conserver mon énergie pour être médium pour les divines forces de guérison. Et alors je pourrai guérir des gens. C'est ce que je fais déjà d'ailleurs. Ça va bien, les esprits de Dieu peuvent déjà m'utiliser. Je suis un instrument bien accordé. Bon, parfois je ne fais rien quand je suis complètement pété et stone. Mais alors ça fait un drôle de bruit et il y a une partie de moi qui se déchire et c'est moi qui suis malade. Je frappe un torticolis ou une grippe. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu de grippe. Und ich bin doch ein ganz gut gestimmtes Instrument. Je suis quand même un instrument bien accordé. The gods of Aquarius are coming with UFOs. They love me and they love you. And what they have to say is true. The good old communication with Holy Spirit of God's creation is true. But our church denies it. God, when will they realize it? Oh God, we need the big solution. We can't stand atomic pollution. Man, it would be such a shame if we won't stop the devil's game. Telepathic communication leads to physical transformation. When it's the end of night, human race is filled with light. Love, love, but never get enough. If you don't love, hey, hey, hey, too tough. Voices, visions, I'm going trans. Holy Ghost talks to his fans. I really don't want no more fighting. What I want is automatic writing. Oh my God, the heavenly host sends us stones. Holy Ghost, the golden age of Aquarius, the second coming of the Guardian. Love, love, never get enough. If you don't stop, hey, hey, hey, good job. Nina spricht für sich selber. Nina parle pour elle-même. Sehr viel. Elle parle beaucoup pour elle. Als sie jetzt in der Bundesrepublik war, hat sie, lorsqu'elle était en RDA récemment, hat sie gerade öffentlich mitgeteilt, dass nicht nur sie neuerdings mit Jesus eine Liaison hat. Elle a déclaré officiellement qu'elle n'était pas la seule à avoir une liaison personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Sondern ich auch. Mais que Wolf également. Nun, das ist natürlich Quatsch. Évidemment, ce sont des sottises. Aber ich werde sowas niemals widersprechen. Mais je ne dirai jamais rien à l'encontre. Weil die größten Dummheiten, die Nina erzählt, parce que les plus grandes bêtises que Nina raconte, sind mir immer noch liebenswerter und interessanter als die Klugheiten von etlichen Dummköpfen im Showgeschäft. Je les préfère, je les trouve beaucoup plus intelligentes que toutes les bêtises que racontent les gens qui sont dans le show business. Ich liebe Nina sehr. J'aime beaucoup Nina. Ich bewundere sie sehr. Je l'admire. Sie ist von all denen, die mit uns gekommen sind, de tous les gens qui sont venus avec nous, hier in den Westen geworfen wurden, qui ont été jetés en quelque sorte à l'Ouest, wie Menschenabfall, comme des déchets humains. Sie ist von uns allen diejenige, um die ich jedenfalls am allerwenigsten Sorge habe. C'est celle pour laquelle j'ai le moins de soucis. Nina macht nicht falsch. Nina ne se trompe pas. Denn sie ist verrückt. Parce qu'elle est folle. Und zwar echt verrückt. Et authentiquement folle. Sie war immer verrückt. Elle a toujours été folle. Und sie hat nicht, wie hier das einige West... Ça, elle a ça de toi, die Eva. Das Radikale und so, nein, wie sie sich verhält. Nein, nein, radikal ist ja nicht verrückt. Nein, ich meine, ist es wirklich eine ernst gemeinte Sache? Je parle de façon très sérieuse. Sie hat eben nicht sich hier im Westen eine Verrücktheit angewöhnt, von der sie hofft, dass er auf dem dreckigen Markt hier eine Wirkung hat. Elle n'a pas adopté en quelque sorte une folie dont elle espère avoir une influence dans le marché de l'art. Ich habe hier schon sogenannte Stars im Showgeschäft kennengelernt inzwischen. J'ai fait la connaissance de pas mal d'artistes qui jouent dans le show business. Die spießige, stinkende, kleinbürgerliche, normale Dummköpfe sind. Ce sont des petits imbéciles, des petits bourgeois. Und weil sie schielen nach dem sogenannten Erfolg auf dem Markt. Parce qu'ils passent leur temps à loucher vers ce qu'on appelle le succès commercial. Sich irgendwelche Verrücktheiten anschminken. Et il se part en quelque sorte de certaines folies. Und die an die zahlenden Dummköpfe verkaufen. Et qu'ils vendent aux imbéciles qui achètent. Nina ist absolut echt. Et Nina est absolument authentique, pure. Sie denkt mit keinem Gedanken an ihren Erfolg. Elle ne pense absolument pas à son succès. Nina ist ein Kind. Nina est une enfant. immer auf der Suche. Naja. Et elle cherche, elle se cherche sich selbst. Den Sinn nach Glück. Oui, elle cherche le sens. Sie ist doch auch ein Clown dabei. Aber elle est un clown. C'est un clown en même temps. Aber ich meine, bei le salut va venir de l'univers, etc. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel öffentlich mitteilt, dass sie ganz genau Mitteilung bekommen hat, quand elle indique qu'elle a reçu des informations tout à fait exactes, dass die Menschheit keine Sorge zu haben braucht, que l'humanité n'a pas besoin de se faire des soucis, wird nichts mit dem Atomkrieg, qu'il n'y aura pas de guerre atomique, wir werden nicht zugrunde gehen, nous ne serons pas détruits. Nina weiß persönlich, Nina sait personnellement, dass die da irgendwelche UFOs uns schicken werden und dass wir alle so lange auf andere Sterne fahren werden. Et qu'on va être envoyé dans d'autres étoiles bientôt. Das erzählt sie mit einem Clown-Auge. Elle raconte ça avec un œil de clown. Und mit einem Auge des Propheten. Et avec un œil de prophète de l'autre côté. Ich meine des falschen Propheten, versteht sich. Évidemment, du faux prophète. Aber das ist alles nicht so tragisch. Mais c'est pas tragique tout ça. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang. Chez moi, envie de rien. Je me mets la télé. Les yeux écarquillés, je fixe la télé. At one day, the world will have no money anymore anyways, but until that day, un jour, le monde n'utilisera plus l'argent. Mais jusqu'à ce jour, nous devons travailler pour de l'argent pour que les choses soient faites. In tune with the universe, and I was asking for what can I do? What do I have to do? Que puis-je faire? Que dois-je faire? Je veux faire quelque chose. Alors il faut me dire quoi? The answer is that I have to do. La réponse est que je dois faire ma télévision dans le monde entier. Incredible international TV program. Un programme de télé international. And that's why I said on my first. Et c'est pour ça que je dis dans mon premier disque. Glotz TV, TV Glotz. Because TV is positive. Finalement, la télé, c'est positif. Yeah, I make positive. Moi, I make je fais une télé positive. TV. When I was singing that song, that's a positive TV. No, no, that's a negative TV. That makes me vomit and dans ma chanson, la télé était négative. Elle me faisait vomir et me rendait stupide. You know, everything has two sides. So mais chaque chose a deux faces. TV. Moi, je vais faire une télé positive. We'll be right back. Elle travaille bien dans sa tête. Il y a une espèce de cinémascope dans les deux hémisphères cérébraux chez Nina Hagen qui est assez phénoménal. Ah non, c'est évident. Alors Dieu, c'est sa raison de vivre. Elle remercie Dieu pour à chaque minute du jour, pas vraiment pour ses repas, mais pour le fait d'être Nina Hagen. Mais non, pour moi, c'est pas du sérieux. Mais elle y croit. Hein. Sûrement, elle y croit à un degré qu'on ne soupçonne pas, sûrement. Mais c'est assez toc, pas vraiment authentique. C'est marrant. C'est lassant à force, parce que quand elle a commencé avec ça, on s'est dit, ça y est, c'est une nouvelle manière de relancer Nina Hagen, nouvelle mouture. Ça fait 4 ans que ça traîne, quoi. Maintenant, il faudrait qu'elle passe à autre chose, mais non, elle a vraiment coincé. Elle reste avec, elle couche avec, elle dîne avec, c'est Dieu sans arrêt. C'est son amant, l'amant numéro 1. Les autres, c'est plus terre à terre, plus hygiénique. Celui-là est essentiellement spirituel, semble-t-il, maintenant, avec elle. She can be merry one day. Je l'adore. Je l'aime vraiment. Très beaucoup. I love you like I love myself and I don't need nobody else. I love you like I love myself and I don't need nobody else. Jack Daniels, you know, he ain't here and I know he's around. So you beautiful playboy kind of boy, but I to see him back in town. Hey, Ma, I want you so much, can't handle myself. Try to find me another teenage love, but I'm just trying to be fooling myself. Cause I want you. I love you like I love myself, and I don't need nobody else. I love you like I love myself, and I don't need nobody else. Nobody else. Hey, it was the phony and the hardcore heaven in Number Falls bedacht. 1979, Cha-Cha, film de Herbert Curiel avec Hermann Broth, Lene Lovitch, Les Chapel et Nina. Because when you kneel, I can hear you. As long as you hang around, I don't feel you alone. Well, child, I love you like I love myself. Hagen, allemaal voor u. En Les. Ja. Oh Nina, ce qui est bien aussi, c'est que finalement, on peut se dire qu'il y a un album, un amant. Il y a toujours un homme par album. Enfin, il y en a d'autres, évidemment, mais il y a les principaux. Pour le premier, c'était le mec du Split, Freddy Yoshow. C'était Mitterreiger ou Pachka, je ne sais plus exactement. Pour le deuxième, c'était Herman. Herman avec qui elle a partagé sa vie. Se marier avec lui, ça a donné lieu à un film complètement abracadabrant, le Cha-Cha Romance in Amsterdam, avec Lene Lovitch et Les Chapel et justement Herman Broth, qui est une espèce de dieu junkie qui faisait la pluie et le beau temps à Amsterdam. London, in this dirty town, in a very dirty hotel, and I met him. Suspicious. And he was fooled up with speed and alcohol, was really drunk and finished somehow, yeah. And we going in the lift and driving upstairs where his girlfriend Nancy was. Un hôtel crasseux à Londres. Nina avec Sid Vicious complètement partie. La porte de la chambre de sa petite amie Nancy est fermée de l'intérieur. Il a peur qu'elle soit morte d'une overdose. Mais Nina frappe à la porte de Herman. Was very outside from himself, and he phoned to the hotel portier downstairs that he must come. Nina frappe à la porte de Herman. Sid Vicious appelle le gardien de l'hôtel. Nancy est bien là sur le lit, elle n'est pas morte et tout va bien. Nancy was laid down on the bed, pulled up with heroin. She was not dead, and everything was all right again. Yes. This was happened in London when I was there. But I... Knock, knock, knocking on Herman's door. Knock, knock, knocking on Herman's door. Bang, bada, bang, bang. Knock, knock, knocking on Herman's door. Knock, knock, knocking on Herman's door. Wow, wow, wow, wow, bang, bada, bang, bang. Die Nina ist in ihrem tiefsten Wesen asozial. Nina, au plus profond de son essence personnelle, est quelqu'un d'asocial. Und zwar im allerbesten Sinne. Et cela au meilleur sens du terme. Nämlich radikal asozial auch gegen sich selber. Elle est radicalement asociale également à son propre égard. Sie baut sich keine Sicherung, für sich keine Sicherungen ein. Elle ne se crée pas de fusible de protection. Sie kümmert sich nicht um Geld. Elle ne s'occupe ni de l'argent. Und zwar nicht mit dieser zynischen Pose von manchen Leuten, die sich deswegen nicht um Geld kümmern, weil sie genug haben. Et non pas avec cette attitude cynique de gens qui ne se préoccupent pas d'argent parce qu'ils en ont assez. Sondern sie denkt und fühlt nicht in diesen Kategorien. Mais elle ne pense pas et elle ne sent pas dans ce type de catégorie. Genau. Was ich deswegen so betone, et si je souligne ça de cette façon, weil ich beobachtet habe, parce que j'ai remarqué, in der Bundesrepublik, en RFA, dass die Leute, die selbst von morgens bis abends sich krank denken am Geld, et que les gens qui passent leur temps à penser à l'argent et qui s'en rendent malades, und die sich krank fühlen an dem, was sie für Karriere halten, et qui ont une sorte de maladie de la carrière. Immer denken, die Nina wäre so wie sie. Ils pensent toujours, ces gens-là, que Nina est exactement comme eux. Es ist den Schweinen alles Schwein. Parce que ces porcs pensent que tout le monde est un Nein, porc. Nein, Nina ist weit ab von all diesen Dingen. Il faut dire que Nina est très loin de tout sie ça. Sie ist verrückt, besessen von ihrer Sache. Elle est follement prise par ses propres choses. Sie kümmert sich ein Dreck um ihre Karriere. Elle ne s'occupe absolument pas de sa carrière. Sie kümmert sich ein Dreck um ihr Geld. Elle s'occupe absolument pas de l'argent. Sie hat auch keins übrigens. Elle n'en a pas d'ailleurs. Alle möglichen und unmöglichen Leute verdienen sich an ihr krank. Les gens les plus possibles et les plus impossibles, eh bien, gagnent de l'argent sur son dos. Und es ist auch kein Schaden. Et c'est pas dommage d'ailleurs. Jeder kriegt eben das, was er verdient. Chacun reçoit ce qu'il mérite. Sie kriegt die Liebe der Musen und die anderen kriegen das Geld. Elle a droit à l'amour des muses et les autres, ils ont le fric. Immer. Sie hat zu mir gesagt. Elle m'a dit, die Eva. Wenn ich kein Geld habe, dann singe ich irgendwo auf dem Platz und. Si j'ai pas d'argent, ben je ferai la manche et je rentre dans la rue pour avoir un peu de pain. Das macht sie auch. Pour Cosma, ma fille. Die ist so. Et elle fait ça, elle est comme ça. Ne? Die Leute, die hier nur in diesen Kategorien von Geld und Karriere denken. Les gens qui ne pensent que dans la catégorie de l'argent et de la carrière. Haben es schwer, Ninas tiefere Beweggründe, ihr Lebensgesetz zu begreifen. Ont beaucoup de mal à comprendre le sens de la vie de Nina. Sie ist nämlich im Grunde ihres Herzens. Car au fond de ton cœur. So stellt es sich mir jedenfalls dar. Du moins, c'est ainsi que je me la représente. Ganz genauso wie Eva. Elle est exactement comme Eva. Denn Eva war ja unter anderen historischen Umständen, auf einem nicht so guten Weg mit ihrer Kunst damals in der DDR. Car au début, Eva n'était pas dans un très bon chemin en RDA à l'époque, sur le plan artistique. Und als sie dann das Unglück hatte, mich zu treffen, et lorsqu'elle a eu le malheur de me rencontrer, und sich von mir trennen sollte, et qu'elle aurait dû en quelque sorte se séparer de moi, hat sie die Bonzen in den Arsch getreten. Elle a donné un coup de pied au cul aux dirigeants. Ohne Rücksicht auf ihre sogenannte Karriere. Sans penser à sa propre carrière. Diese Frage stellte sich für mich überhaupt. Na ja, Cette question ne s'est pas posée pour moi du tout, dit Eva. Ja, ja, aber das ist eine Frage der Grundhaltung. Mais c'est évidemment une question de l'attitude fondamentale de l'être humain. Sie hat, wie es bei Brecht in dem guten Mensch von Sichuan heißt, comme le dit Brecht dans La Bonne Âme de Sichuan, ich will mit dem gehen, den ich liebe. Je veux aller avec celui que j'aime. Ich will nicht fragen, was es kostet. Je ne veux pas demander ce que ça coûte. Ich will mit dem gehen, den ich liebe. Je veux aller avec celui que j'aime. Radikal. Une attitude absolument radicale. Und das, wenn die Nina von der Eva überhaupt was gelernt hat, das Kunst kann es vergessen, ist nicht so wichtig. Et si Nina a appris quelque chose d'Eva, on peut laisser de côté l'art, c'est pas aussi important. Dann ist es diese gute, radikale Haltung. Cette attitude positive et radicale. Je devrais remplir mon devoir de femme. Marlène avait d'autres projets, Simone de Beauvoir aussi. Avant les premiers cris d'enfant, il faudra que je me libère moi-même. Moi, je ne ferai pas d'enfant. C'est une question personnelle, mais au début de votre carrière, vous aviez dit que vous n'auriez jamais d'enfant. Oui, mais j'ai dit dans ma chanson que je n'aurai jamais d'enfant avant d'être libérée moi-même. C'est ce que j'ai dit. C'est marqué dans les paroles. Et avant, je n'étais pas libérée moi-même. Est-ce que la naissance de Cosma a changé beaucoup de choses? Oui, bien sûr. Pas seulement la naissance, mais Cosma tout entière. Wunderbare Seele. Cosma est une âme merveilleuse. Son âme vient d'une autre planète. Elle existait déjà ailleurs et elle est revenue en tant qu'être humain, comme moi. Pour aider et pour montrer aux gens ce qu'est le véritable amour et ce qu'est Dieu. On va encore beaucoup entendre parler de Cosma Shiva dans un futur très proche. materialized. Cosmo, Shiva, Galax! In any case, we are in space. In any case, we are in space. In any case, we are in space. In any case, we are in space. Chose qui m'a quand même étonnée, parce que moi je voyais Nina assez folle dingue, tu sais, vraiment mongolito total, ça venait du bulbe. Et quand nous sommes allés plusieurs fois manger au restaurant avec Cosma Shiva, c'est le nom de sa fille, je me suis aperçue qu'elle réagissait comme une mère classique, en lui disant « mets pas tes doigts dans ton nez, attention tu mets trop de sel, si t'en mets partout sur la table, la serveuse va nous sortir, fais attention, arrête de dire des gros mots, Nini, parce qu'elle appelle sa mère Nini, enfin sa fille Nini, enfin c'est un dialogue assez curieux. Il y a une autre chose qui m'a choquée, pour moi Cosma Shiva c'est un petit monstre, c'est-à-dire qu'à l'âge de 3 ans, cette gamine avait des comportements d'adulte, c'est-à-dire qu'elle avait des réflexions de grandes personnes, et moi ça m'a terrifiée. Je sais que quand elles sont venues à Paris il y a 2 ans, elle et sa fille, j'ai surpris une conversation dans la voiture, dans la superbe limousine noire, que le bon peuple parisien nous enviait évidemment, parce que c'est tellement agréable d'avoir un chauffeur, 27 places et demie de la place quoi, et du champagne. Et Cosma Shiva disait à sa mère, Nina, c'est pas bien ce que tu viens de faire. Alors Nina lui répondait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle lui dit, écoute Nina, tu m'avais promis de m'acheter une perruque rouge à Paris, tu ne l'as pas fait. Et demain on s'en va à Berlin. Alors Nina lui répond, écoute Cosma, c'est pas grave, cette perruque rouge, on l'achètera à Berlin. Et Cosma de lui répondre, oui mais tu vois, quand on fait une promesse à un enfant, on la tient, c'est pas bien du tout ce que tu viens de faire. 3 ans. Et c'est ça, sans arrêt. Elle a un discours avec sa fille, c'est incroyable. Elle lui fait faire de ces trucs. Cette môme, c'est une Nina Hagen puissance 1000. À l'âge de 5 ans maintenant, je ne l'ai pas revue depuis 1 ou 2 ans. Mais elle se met du vernis sur les ongles, elle se met des perruques vertes sur la tête, elle fait des grimaces, elle se regarde dans la glace, très très narcissique, évidemment, comme tout enfant de star qui suivent les dignes traces de la maman potentielle. C'est un véritable monstre. Vous éduquez Cosma Shiva comme ça? When she wants to, she can learn it like that. When she doesn't want to, si elle veut, elle peut apprendre comme ça. Si elle ne veut pas, elle peut faire autre chose. Mais elle sait déjà faire des photos. Machine with a real photo machine, and she does perfect polaroids of herself. Elle fait de magnifiques polaroids d'elle-même. And of me and everybody. De moi et de tout le monde. Elle est géniale. And then I stand with our video at home, our home video, when I'm filming her. Quand on fait de la vidéo ensemble à la maison, elle se tient debout, elle se regarde dans la télé quand je la filme. And it's much fun for her to see that. And she. C'est tellement plus amusant pour elle. And I tell her, you know, not to touch the electricity. And je lui dis de ne pas toucher à l'électricité. Je reste toujours avec elle et généralement on consacre 2 heures par jour à la vidéo. Ou bien on sort et on fait autre chose, on va au zoo. Bon d'accord, je ne peux pas dire qu'elle est toujours intéressée par la vidéo, mais elle aime faire ça, s'habiller, se mettre une perruque et faire quelque chose d'intéressant. Quand on voit la progression Eva Maria, Nina, Cosma Shiva, c'est terrible. Je veux dire, on en arrive vraiment au niveau de Cosma à une fin de siècle. C'est le cataclysme. On voit Eva Maria qui prend soin de sa fille, mais qui en même temps reste en retrait, qui a un discours assez sensé. Nina commence à déjanter et Cosma qui est carrément folle. Ah, c'est bien. Je veux voir la suite. Alors là, ce sera... Bah moi au départ je m'occupais de mon propre fan club. Et je lui envoyais les lettres de mon fan club où je la faisais participer en disant que c'était ma femme. C'était donc à ce moment-là, Nina Hagen, c'était la femme de Ben Vistros. Et c'est comme ça que je me suis fait plus ou moins connaître auprès d'elle. Et je pense que c'est aussi par rapport à ça qu'elle a décidé que je devais m'occuper du sien et laisser tomber le mien. Ben Vistros, président du Nina Hagen Intergalactic Fan Club. Los Angeles cette année avec Nina Hagen, qu'est-ce qu'elle t'a dit, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Vous avez fait des fêtes avec des célébrités? Non, bah, autrement, la seule grande fête qu'on a fait, c'était sa fête d'anniversaire. Alors, le 11 mars. Alors, l'anniversaire de Nina Hagen, qui avait 30 ans, non? 30 ans, ouais. Elle est aussi une vieille, c'est ce que je pensais. Ouais, c'était... Il y avait Angéline en concert. Il y avait aussi Robbie et The Crocodile Tears. Robbie, qui est le petit préféré en ce moment. Enfin, je pense. Non, attention. Et puis, il y avait un gros gâteau avec des soucoupes volantes dessus. Mmh. Voilà. Toujours les extraterrestres. Un anniversaire avec Nina Hagen, c'est excitant, ça donne envie de se bouger, ou alors c'est une fête pour le moins classique, ce qui m'étonnerait quand même. Non, c'était marrant, il y avait John Sex aussi qui était là-bas. Qui ? John Sex. Ah bon ? Qui était présent. Grande copine. Ah ouais. John Sex aussi. John Sex, ouais. C'est qui ? Moi, je connais John Sex simplement parce que je l'avais vu en photo plusieurs fois dans des magazines. Je sais pas qui c'est, mais je sais qu'il a les cheveux qui montent à 1 mètre au-dessus de la tête quand même. Enfin, je sais pas, 1 mètre, peut-être pas, mais... Est-ce qu'à Los Angeles, il y a une cour autour de Nina Hagen, ou alors c'est un phénomène purement européen, ce genre de choses, ce genre de groupies fans hystériques qui suivent Nina, ou alors effectivement, maintenant, aux États-Unis, il y a à peu près le même phénomène qui existe maintenant? Non, je crois qu'elle est beaucoup plus culte là-bas qu'ici. C'est-à-dire que personne n'évolue autour d'elle, elle est relativement seule, ou alors malgré tout, il y a une petite cour régulière? Non, une grande cour, je pense. Mais enfin, c'est pas pareil qu'ici. Puis les États-Unis, c'est tellement vaste, de toute façon. C'est pas comme ici, en France, c'est une institution, presque tout le monde connaît Nina Hagen, mais là-bas, non. Ça t'amuse de jouer les serpettes pour Nina? Ce qui se passe, c'est que ça me donne une position d'intermédiaire, où même si moi, je fais rien, Je suis un intermédiaire qui peut donner en fait beaucoup en donnant très peu. Et puis c'est tout. Tu l'aimes vraiment? Oui. C'est de l'amour ou c'est purement admiratif? C'est de l'amour fou. Ahoi, du einsamer Boy. Dir würd ich sein mein ganzes Leben treu. Denn du siehst so locker aus. Hol doch mal ein aus. Oh, Helmut, du bist schön und gerade erst 15. Du hast ja so scharfe Schuhe. C'est beau, t'as à peine 15 ans et tes pampes, elles sont géniales. Oh Helmut, viens, on va aller se déshabiller, on s'emporte du schnapps, j'ai tellement envie de toi. Allez, viens, c'est vraiment pas difficile de fall in love. Aime-moi. connais depuis... Édouard Aléa. Déjà pas mal d'années, puisque j'ai fait mes études d'architecture en Allemagne de l'Est. Couturier. Et donc je l'ai connue là-bas, alors qu'elle avait 17 ans ou 15 ans, enfin bref. Et bon, elle faisait partie un petit peu de tout ce milieu de l'intelligentsia de Berlin-Est. Et bon, ben, on s'est trouvés ensemble dans des soirées, des parties, parce qu'il y a beaucoup de fêtes, en fait. On pense toujours qu'en Allemagne de l'Est, on s'y ennuie à mourir. Or, c'est pas toujours vrai. On s'y amuse beaucoup. Et puis, ben voilà, c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré Nina. Et bon, c'est une fille qui a toujours... on a toujours l'impression qu'elle joue un rôle sur scène, alors qu'effectivement, elle a toujours été comme ça. Elle a toujours eu ce... Moi, je l'ai vu imiter Mireille Mathieu d'une façon absolument extraordinaire, chose que l'on ne connaît pas, mais c'est vrai qu'elle a toujours été comme ça depuis sa tendre enfance, en fait. C'est vraiment un personnage. Et bon, bien, de fil en aiguille, reprenant le contact, moi faisant de la couture, et bien voilà, je lui ai fait des robes, je lui ai fait des choses... Bah en fait, ça se passe toujours comme ça. Nina, tout d'un coup, débarque au téléphone et me dit « Écoute, j'ai rien à me mettre, je suis toute nue. Il faut que tu me trouves quelque chose. » Et bon, il faut quand même que ce soit un peu adapté à sa personnalité, à ce qu'elle va chanter. Et là, comme elle était sur Carmen, ce qu'elle a présenté à la fête de Lima, bah, je lui ai concocté une robe qui soit à la fois Carmen et qui soit à la fois Nina. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, et toujours au coup par coup. La dernière fois, lorsqu'elle est venue à Paris, c'était Noël, c'était... Alors tout ça, il y a une influence, elle avait besoin d'une robe. Et je lui avais fait aussi une robe dans une toile cirée, irisée rose et blanche, enfin bref, c'est... Et bon, c'était Noël, il fallait lui mettre des boules de Noël sur cette robe. En fait, c'est comme ça que ça se passe avec elle. Alors, le costume de Carmen, c'est en fait un fourreau que j'ai travaillé dans un tissu un peu plastifié, mais qui était complètement smoké. Donc c'est un fourreau qui part de la poitrine et qui va jusqu'à peu près mi-cuisse, quelque chose de très court. Et ensuite, par-dessus, elle avait un drapé qui était fait de tulle noire à pois rouge. Bon, ça c'était vraiment la robe pour Carmen, avec un grand voile en tulle noire, toujours à pois rouge, pour le visage. Enfin, ça c'était surtout pour son entrée en scène. Et pendant le cours du spectacle, bien évidemment, elle n'a toujours pas gardé ce tutu en tulle et elle l'enlevait. Donc c'était une tenue multi... Nina, c'est une frustrée de l'opéra. J'aurais bien voulu en faire, mais on n'a pas dû vraiment la laisser champ libre. C'est pour ça qu'elle reprend invariablement des standards. Ça va vraiment dans tous les coins. Ce qu'on a vu qui était assez intéressant l'année dernière, c'était le Carmen qui était un peu massacré. Mais avec Nina Hagen, ça prend toujours une amplitude extraordinaire, enfin surtout sur scène. Yeah. C'est l'ensemble. Je ne peux pas distinguer les paroles de la musique, c'est une unité. Tout dans Carmen a à voir avec l'amour, avec le véritable amour. Et presque toutes mes chansons en parlent d'ailleurs. L'amour de Carmen est un amour libre. Elle ne se laisse pas oppresser par un homme. Carmen chante la chanson de l'amour qui est libre comme un oiseau sauvage et qui vole là où il veut voler. On ne peut retenir aucun être humain par la jalousie. Carmen est libre comme un enfant. On ne peut pas enchaîner la femme et lui dire « tu m'appartiens ». C'est une loi divine. On n'a pas le droit de posséder quoi que ce soit. Nous ne possédons rien et tout à la fois. Si nous ne désirons rien posséder, on peut tout avoir. Mais avoir, avoir, mon mari... Alors dans ce cas-là, nous ne sentirons jamais ce qu'est le véritable amour. Mais si nous laissons tomber toutes nos angoisses, si on n'a plus peur... Je perds mon mari, et pourtant mon mari, mon chéri, mon amour. Non, il faut simplement laisser tomber la peur, et si notre foi en Dieu est aussi grande, alors nous ferons l'expérience de ce qu'est le véritable amour. Wenn man nicht frei ist und noch glaubt, besitzen zu müssen, dann, wie gesagt, ist man ein armes Lebewesen. Oui, si on veut toujours posséder, on est pauvre. Pas au niveau de l'argent, mais moralement pauvre. Si on pense toujours, oh mon mari, comme il est froid, il va voir les putes à Paris, qu'est-ce que je dois faire? Il doit être à moi et seulement à moi. Il doit m'aimer pour toujours. C'est con. Oui, c'est humain, mais l'homme dont moi et Nietzsche parlons, Bouddha et Jésus-Christ parlent, c'est un surhomme, un super-héros. Enregistré La Femme à l'heure avec son premier album, avec le Split, justement. Bon, enfin, c'était pas tellement son optique, elle en avait vu une main, parce que c'était plutôt des militants, les gens du Split. Petit côté communard, militant, qui l'a gonflé assez vite, parce qu'elle était beaucoup plus superficielle que ça. Elle a envie de s'éclater. Pour ça qu'elle a vécu si longtemps à Londres, à l'époque punk, ou qu'elle partait à Amsterdam avec tout ce que la scène hollandaise comptait de tout fou. Elle s'est amusée avec ces gens-là, à tous les niveaux. En plus, on peut dire que sexuellement, c'est quelqu'un de complètement éclaté également. Je veux dire, elle va à droite, à gauche. Pour elle, elle a une espèce de leitmotiv qu'elle a mis dans une de ses chansons où elle dit « I found the key, I love everybody ». J'ai trouvé une solution, moi j'aime tout le monde. C'est-à-dire, je couche avec tout le monde et ça ne doit pas porter à conséquence. Le corps et la tête, c'est complètement différent. Elle fait beaucoup de corps à corps. La tête, ça roule. Moi, Nina Hagen, je suis folle. Laurence Harpo est folle comme moi, Nina Hagen. Ich weiß es nicht. mal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und da wird einmal ein Wunder. Ich weiß, wir uns wiedersehen. Sarah Leander ist ein Remake of an old... But it's a strange love story, I suppose. No, it's a story... Sarah Leander, c'est l'histoire d'une chanteuse suédoise. Elle a été la plus grande star de l'Allemagne nazie. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Elle avait tant de charisme qu'elle apportait de l'amour et une émotion intacte dans ses films dogmatiques. German Hitler movies, you know, with Zack Zack Heilig. Yeah, and she was giving real woman power in that time. Elle avait une puissance. And her songs, people could cry when she was singing because her voice was so deep. Les gens pleuraient quand elle chantait. So strange. Sa voix était si profonde et si étrange que les gens étaient transportés et guéris par sa voix. Tears were floating down, and she was singing about that there will miracles happen, wonder will happen. And one day, all the fairy tales. Dans ses chansons, elle disait que des miracles se produiraient et qu'un jour tous les contes de fées deviendraient réalité. You know, magic and the big secret of the universe in those days already. That's why elle chantait la magie, les grands secrets de l'univers, et c'est pour ça qu'elle était si grande. And everything was blaming everything on Hitler and forgot nearly that. Après la guerre, les socialistes l'entraînaient dans la boue, oubliant que sous le nazisme, tout le monde était engagé, que tout le monde marchait de la même manière, un peu comme aujourd'hui. Après la guerre, ils ont dit qu'elle était une putain nazie et que c'est comme ça qu'elle avait obtenu des rôles importants au cinéma, qu'elle avait baisé avec Hitler et Göring et que c'était une pute. Alors elle a dû repartir en Suède et là-bas reblotte. Elle avait deux enfants et elle ne faisait plus rien. She was again giving concerts until elle n'a age, plus voulu donner de concerts jusqu'à l'âge de 98 ans. Elle était très vieille à la fin. Dein Schicksal ist doch meins, du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen ist dein. Autrement, Nina, ça peut être aussi le genre de personne. Alors, tu es dans une pièce, tu téléphones, ça veut dire que tu ne t'intéresses pas à elle pendant au moins 5 minutes. Alors, elle se plante devant toi, te regarde, et puis elle commence à geindre. Faire la créature, impossible, tu sais, dans genre les gosses, pipi, j'ai faim, j'ai envie de me coucher, nana, je suis pas bien où je suis. C'est ça. Si on n'est pas tout à elle pendant tout le laps de temps où on est en sa compagnie, ça va pas. Il faut qu'on s'occupe d'elle. Quand elle est dans la rue, il faut la laisser, marcher la première, parce qu'il faut que les gens la regardent. Elle adore se faire reconnaître dans la rue, mais moins se faire importuner. Bon, ça dépend des jours, elle est très lunatique. Il y a des jours où elle trouve ça très très drôle qu'un grappin de jeunes gens arrive. Oh, are you Nina Hagen? Yes, I am, you know, des choses comme ça. Et alors, d'autres fois, elle les envoie carrément sur les roses. Ce qu'il y a aussi de marrant avec elle, c'est qu'elle est tout à fait infidèle. Peut-être pas infidèle, je dirais inconstante. Tu passes 3 jours avec elle, par exemple, au premier jour, ça va être le grand amour, elle te fait des bisous partout. Le lendemain, elle te dit merde, et le 3e jour, elle te dit si on commençait. C'est comme ça, enfin, elle est très très star, enfant gâté. Elle est pourrie, quoi. Elle est pourrie, mais je crois que c'est ça qui fait son charme. C'est une espèce de petit oiseau, curieux, toujours avec Dieu. Va dans une boîte de nuit à Los Angeles, sors de la boîte de nuit, tu la raccompagnes en taxi avec sa fille, Cosma, qui a 5 ans maintenant, 4-5 ans, c'est ça. Et voilà le discours qu'elles peuvent avoir toutes les deux. Alors Nina dit « Thank you God for that good night. » Et t'as Cosma, la môme, qui reprend derrière « Thank you God for that very good night. » Et Nina qui reprend « Thank you God for that good night. » Ça dure une demi-heure. On a vraiment l'impression d'être de trop. Enfin, c'est amusant. Tu as dit que tu étais un clown de la paix. Oh, das ist geklaut von Wolf Biermann. J'ai piqué ça à Wolf Biermann. Der ist auch ein Clown. Lui aussi est un clown. Denn... Also ich kann ihn jedenfalls nicht ernst nehmen. Je trouve que ce qu'il fait est excellent. Ich finde, mais... es ist sehr gut, was er macht. Aber... C'est aussi trop sérieux. Es ist auch gleichzeitig c'est pour ça que c'est drôle. Sehr lustig. Der Mann... C'est alles so ernsthaft und deswegen ist es lustig, ne? Gott sei Dank. Aber das weiß er, glaube ich, gar nicht. Je crois qu'il ne le sait pas. Aber vielleicht weiß er es doch. Ou bien il le sait. Wahrscheinlich weiß er es nicht. Na, vielleicht wird er es bald wissen. Peut-être qu'il l'apprendra bientôt. You die on yourself, baby. Hey, hey, hey, because I love you. Forever. Something wrong with something wrong with you. Sich so verausgabt und alles irgendwann, was ist dann zu Ende, ne? mit den Idealen. Moi, évidemment, j'ai quelques craintes parce qu'elle se donne entièrement et il est possible que l'idéal puisse être. Was meinst du für Ideale? Ich meine jetzt zum Beispiel mit dem Buddha. Hat keine Idee. Ach, nach dem Buddha. Die redet heute von Buddha und morgen von Käsefüßen. Oui, Wolf pense que les problèmes bouddhistes de Nina ne sont pas aussi importants. Elle parle de Bouddha aujourd'hui, et ensuite elle parle de problèmes de fromage. Et Eva rétorque qu'elle la voit plus souvent que Wolf et qu'elle a quelques craintes dans ce domaine. Weißt du, im Grunde ist es doch ganz, ganz egal. Au fond, ça n'a aucune importance. An welcher Krücke? La béquille. Welche Hilfsmittel die la Menschen béquille. Benutzen, um sich menschlich zu verhalten. Peu importe la béquille qui sert aux êtres humains pour être humain. Ob das irgendein Religionsquatsch ist. Que ce soit une sottise religieuse quelconque. Ist mir doch egal. Ça m'est égal. Wenn sie mit Hilfe solcher falschen Vorstellungen. Si à l'aide de représentations fausses. Also die ich für falsch halte. C'est-à-dire que moi je pense fausse. Sich menschlich und produktiv verhalten können. S'ils ont une attitude, s'ils peuvent avoir grâce à ces béquilles une attitude productive et humaine. Ist doch gut. Lass sie doch. Sie glaubt über ein Leben nach dem Tod. Ach, na ja, gut, das ist alles. Eva indique que Nina pense qu'il existe une vie après la mort et Wolf dit ceci n'a pas d'importance et elle veut convaincre Nina, elle veut convaincre les gens autour d'elle. Il y a des discussions. Soll sie glauben an ein Leben nach dem Tod oder nicht? Qu'elle croit à une vie après la mort. Wenn dieser Glaube sie dazu befähigt. Si cette croyance la rend capable. Vor dem Tode zu leben. De vivre avant la mort, elle le fait d'Nina. Was ja viele nicht können. Ce que beaucoup de gens sont incapables de faire. Dann ist es doch gut. Eh bien, dans ce cas-là, tout va bien. Dann kann sie an alte Schuhsohlen glauben. Et elle peut même croire à des vieilles femelles de godasses. Oder an Buddha. Ou à Buddha. Oder an irgendwelche, wie heißen diese Dinger, die da aus dem Weltall kommen. Ou à des soucoupes volantes. Ufos. Oder sie kann an die Scheiße von ihrem Kindchen Cosma Shiva glauben, wenn sie nur das Kind warm hält und ihm was zu trinken gibt. Elle peut croire au caca de sa petite fille. L'essentiel c'est qu'elle la tienne bien au chaud. Dann ist es gut. Et c'est bien comme ça. Am Ende misst man en fin de compte, die Menschen an ihren Früchten. On mesure les êtres humains à leurs fruits. Und nicht an ihren. Naja. Und wieder. Die Pärchen sind bereit, endlich schlafen sie zu zweit. Und wenn du mit euch noch nicht liebst, eines Tages liebst du mich, auch wenn du es heute noch verschiebst. Die Liebe ist das einzig Wahre. Aha, aha, der Schatz des Herzens. Croissant pour moi, une petite boulangerie. Donne-moi un café au lait garçon, selon chéri. Donne-moi un croissant à Mandine. Bonsoir, Madame Catherine de Neuf, bonsoir, Monsieur Truffaut. Voulez-vous Picasso ou coucher avec Brigitte Bardot? Frühling in Paris, immer wieder und wieder. Die Pärchen singen la la la, die neuesten Liebeslieder. Aber wenn du dich zu sehr verliebst, dann pass mal schön auf, dass du dir da nichts vergibst. Du hast deine kleine Qual der Wahl, aber hör auf deine innere Stimme und geh nicht ins Japan. Croissant pour moi, chérie. Donne-moi un croissant, Amandine. Bonsoir, madame Catherine de Neuf. Bonsoir, messieurs Truffaut. Voulez-vous, Picasso, de coucher avec Miss Parlando? Nina Hagen is talking to you, dear friend. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, dear friend? On est en croissant pour moi. Un petit boulot genre. Donne-moi un café, un croissant. Sinon, je vais mourir. Donne-moi un croissant, Armandine. Bonsoir, madame Catherine de Neuf. Bonsoir, monsieur Truffaut. Voulez-vous Picasso? C'est un peu Brigitte Bardot. Doctor is something nice, you know. C'est beau d'être docteur. Ich bin Doktor Aha. Mm-hmm. Das mit dem Aha-Syndrom, mm-hmm. welches sich in der Mitte von meinem Namen befindet. Moi, je suis le docteur Aha, avec le syndrome Aha. Und als Student und Doktor der Geheimwissenschaft empfehle ich weiterhin das permanente UFO-Studium, natürlich nicht in fanatischer Weise, weil das bringt sowieso... En tant que docteur des sciences occultes, je conseille l'étude permanente des ovnis. Mais sans fanatisme, car le fanatisme ne mène à rien. Verstehen kann man Gott nicht, man kann ihn nur erobern. Das war heute unsere Sendereihe über die höhere Gewalt unter Mitarbeit von Professor Dr. Nina A. Hagen und Herrn Professor Dr. Flip Flip Johanna Nathan und Herrn Erzengel den gefallenen Helfershelfer. What's his name? Daniel. Und what was Dr. Flip's... Dans notre série consacrée aux forces supérieures, c'était aujourd'hui une émission réalisée en collaboration avec le professeur Dr. Nina Hagen, le professeur Dr. Flip Flip Johanna Nathan, Daniel l'archange déchu et Jean-Pierre. Merci beaucoup. Bon voyage. ACR, Atelier de création radiophonique. Nina Aha Hagen Radio. Par Daniel Co. Avec Nina Hagen, Eva Maria Hagen, Wolf Biermann et Laurence Harpeau, Madame Ming, Édouard Aléa, Ben Vistros et Professeur Docteur Nina Aha Hagen, Professeur Docteur Flip Flip, Jean-Pierre Hammer. Voix Anne-Cécile Hérault, Sandrine Bonnel, Priska Geisler. Musique Wolf Biermann. Chanson par Wolf Biermann et Eva Maria Hagen. Nina Hagen, Du hast den Farbfilm vergessen, Berlin Est, 1974. Bande sonore du film Cha-Cha, Amsterdam, 1979. Concert au Casino de Paris, 1983. Album Nina Hagen Band. Unbehagen, Non-Sex Monk Rock, Angstlos, Ecstasy. Groupe de réalisation, Marie-Ange Garandeau, Monique Burguière,